j'avance, tu recules. Jamais tu ne m'offres de beaux pulls. Pourquoi tu m'aimes pas trop? Moi je voulais juste des cadeaux. J'ai l'impression d'être moche, ou bête, ou même les deux. Tu ne me fais jamais que des reproches, comme si j'étais vénéneux. Je suis isotope de toi, et tu me le rends bien. Je suis isotope de toi, ah, ah. Je voudrais mourir demain. Qu'un extraterrestre m'emmène dans sa lointaine galaxie. Ils verront si j'ai la gangrène, et puis peut-être qu'ils me trouveront joli. Même si toi t'aimes pas Gainsbourg, si tu trouves que les gitanes ça pue, moi tu sais, pour toujours, je t'attendrai les bras tendus. Je suis isotope de toi, et tu me le rends bien. Je suis isotope de toi, ah, ah, je voudrais mourir demain. Je suis isotope de toi, et tu me le rends bien. Je suis isotope de toi, ah, ah, je voudrais mourir.